为这些的爸爸的爹爹呢Comme une folle, j'ai posé sur mon cœur. Hey, petite fée, tu es venue me chercher. Hey, qui a ouvert les portes du tunnel?Première fois, elle m'a oublié.